Merci de nous rester fidèles. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM, appelle au gouvernement burundais à engager des experts tant nationaux qu'internationaux pour réfléchir sur la crise économique dont la dévaluation de la monnaie burundaise s'est après une décision du Fonds mondial. Vous l'entendrez dans cette édition. Et certains politiques disent avoir constaté des erreurs sur les insignes de leur parti politique et demandent à ce que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, puisse corriger ces erreurs. Ce que doivent faire ces politiques jusque ce mardi 11 février, recommande la CENI. Et le vice-président du parti Uprona et natif du quartier Kanyenkoko dénonce une intolérance politique après que le drapeau de ce parti ait été brûlé dans la nuit de ce dimanche. On sera également en province Bubanza pour parler de l'agriculture avec les préparatifs à la saison culturelle prochaine. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric Ouiman. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Débutons cette édition par cette page gouvernance et économie. Le Fonds monétaire international ne va pas continuer à décaisser 200 millions sur plus de 261 millions de dollars qui étaient dans les prévisions du partenariat avec le Burundi, ceci ayant fait suite à la mésentente entre le Fonds monétaire international et le gouvernement du Burundi par rapport à la dévaluation de la monnaie burundaise, comme l'indique le président de l'OLUCOM, Gabriel Rufyiri. Appelle le gouvernement burundais à engager des experts tant nationaux qu'internationaux pour trouver la solution à la crise monétaire dont fait face le Burundi. Suivez-le au micro d'Evariste Nzikobanyang. Moi, je pense que la voie de sortie est simple. Il faut d'abord des experts. Parce que je vois souvent que les experts n'ont pas la place de choix dans ce pays. On doit savoir utiliser des experts, voire même des experts indépendants. La plupart des pays, même des pays qui ne sont pas loin de chez nous, le font. Nous pensons que même le Burundi, à l'époque de Bagaza, il l'a fait. On pouvait même, si on ne dispose pas des experts dans telle ou telle institution, on peut les recruter. Souvenez-vous, on l'a fait pour la réforme de l'OBR pendant 5 ans. C'est l'Irlandais Kylian Hormes qui a été recruté. Et on a vu ses performances. Il a commencé les réformes en 2008, au moment où les douanes et les impôts encaissaient autour de 400 milliards. Mais au bout de 2 à 3 ans, l'accroissement était à presque 500%. Donc, de 400 milliards à 2000 milliards. Donc, vous voyez que des experts qui maîtrisent les situations, les domaines, ont vraiment une importance capitale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le gouvernement doit chercher les moyens à coopérer avec les partenaires du Burundi, dont le FMI. Nous pensons que c'est important. Troisième solution, il faut que le gouvernement essaye d'utiliser des institutions en charge de ces questions. Par exemple, le ministère en charge des finances, le ministère en charge du commerce, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, l'Ombudsman burundais, le Conseil économique et social. Toutes ces institutions, ce sont des institutions normalement qui doivent travailler. Moi, je pense que c'est à ce niveau qu'on pourra avancer. Sinon, je dois vous redire, le bateau dans lequel nous sommes tous en train de voyager, s'il tombe, c'est nous tous qui tombons. Ce bateau-là, c'est le Burundi. Nous pensons que l'apport de tout un chacun est nécessaire. Gabriel Rufyiri, président de l'Observatoire pour la lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM. Je vous l'annonçais en titre, certains responsables des partis politiques, coalitions et candidats indépendants demandent que les erreurs constatées sur les insignes de leur parti politique soient corrigées par la Commission électorale électorale nationale indépendante ce que cette commission électorale promet de corriger. Ils l'ont dit ce lundi lors d'une réunion organisée par la CENI de présentation des maquettes des bulletins de vote pour les élections des députés et des conseillers communaux. Le président de la CENI, Prosper Nahuamiye, a rassuré que ce sera corrigé dans les meilleurs délais et a demandé à ceux qui l'ont souhaité de renvoyer leurs insignes, de le faire jusque ce mardi 11 février. Le point avec Ornella Mucho. Dans cette réunion de présentation des maquettes de bulletins de vote pour les élections des députés, des conseillers communaux et le procès verbal des résultats sur les bureaux de vote organisés par la Commission électorale nationale indépendante CENI ce lundi, des représentants des partis politiques, coalitions et candidats indépendants sont revenus sur les logos, couleurs et slogans qui sont flous ou qui ne sont pas inclus dans leurs insignes comme déposés à la CENI et ont demandé à ce que ça soit corrigé. Ces politiciens ont voulu avoir plus d'éclaircissement en ce qui concerne l'accréditation des mandataires. Sur toutes ces questions, le président de la CENI, Prosper Nahuamiye, a assuré que ces erreurs techniques constatées sur les insignes seront vite corrigées pour la confection définitive des bulletins de vote. Les maquettes ont été validées, sauf quelques observations sur la clarté des images. Nous avons accepté de les corriger et puis c'était un matériel didactique. Sinon, avant de produire définitivement les bulletins de vote qui vont servir le jour des élections, on signe le bon à tirer. Et on ne peut pas signer le bon à tirer si les images ne sont pas très lisibles. Et par rapport à l'accréditation des mandataires, il a répondu que c'est un travail qui est toujours en cours. Prosper Nahuamiye a tenu à préciser qu'il y aura une liste additionnelle pour une catégorie de gens, notamment les journalistes, les militaires, les diplomates, les observateurs électoraux qui pourront voter sur les bureaux de vote sur lesquels ils ne seront pas inscrits. L'accréditation des mandataires, en fait, pour certains, il y a une petite confusion. On accrédite les mandataires des partis politiques en fonction d'une activité. La première activité, c'était l'enrôlement des électeurs. L'activité en cours, c'est l'affichage des listes électorales provisoires. La prochaine étape, ça sera la distribution des cartes d'électeurs. Et enfin, ça sera le jour J, jour des élections. À chaque activité, les candidats qui le veulent peuvent donner faire accréditer leur mandataire politique selon une activité. Alors, l'activité d'accréditation des observateurs pour l'activité d'affichage des listes électorales provisoires est terminée depuis la semaine passée. Au moment où nous parlons, l'activité est en cours. Nous leur demandons de se préparer beaucoup plus pour l'activité qui va suivre, qui concernera la distribution des cartes d'électeurs et le jour J, le jour des élections. Et par rapport au procès verbal des résultats sur les bureaux de vote, il a précisé qu'il y aura un procès verbal unique des opérations de vote et de résultats qui sera envoyé à quatre niveaux, à savoir les CCI, les CPI, la CENI et la Cour constitutionnelle. Et par rapport à l'ordre des partis politiques sur les bulletins de vote, Prosper Nahuamiye a indiqué que ces partis politiques sont classés par rapport au taux de couverture. Merci Ornella Mucho. Page politique encore, le drapeau du parti Uprona à sa permanence de la nouvelle commune de Lumonge a été arraché et brûlé au quartier Kanyenghoko dans la ville de Lumonge le soir de ce dimanche. David Mukanya, vice-président de ce parti au niveau national et natif de cette commune, rencontré par notre correspondant sur les lieux, dénonce une intolérance politique et demande que des enquêtes soient menées afin d'identifier et punir les coupables. Le point avec Jean-Pierre Misago. Ce drapeau du parti Uprona, dont les dimensions étaient réduites ce lundi matin après des flammes lui appliquées la nuit de ce dimanche à lundi, flottait pourtant sur un long poteau d'eucalyptus à 23h de ce dimanche dans la parcelle récemment désignée comme permanence communale du parti Uprona à Lumonge, suivant la nouvelle subdivision administrative où étaient réunis les dirigeants de ce parti dans cette commune pour évaluer la descente de Minago de ce dimanche, selon leur dire. Jusqu'à présent, ceux qui ont commis cet acte ne sont pas connus. Seules des empreintes des auteurs de ce forfait sur le mur sont visibles, comme le montre le secrétaire communal de ce parti à Lumonge. Pour David Mukanya, vice-président du parti Uprona au niveau national et qui participait dans ses descentes en zone Minago, sa zone natale, ce qui s'est passé n'est pas du simple acte de banditisme, mais qu'il s'agit ni moins ni plus de l'intolérance politique. Ce sont pour lui des actes à bannir et les auteurs doivent être identifiés pour être traduits en justice. Par ailleurs, David Mukanya fait remarquer qu'il s'agit d'un acte antidémocratique qu'il faut stopper à tout prix pour garantir des élections démocratiques. Nous avons cherché la réaction de l'administrateur communal de Rumonge qui aurait été mis au courant de cette situation, mais sans succès. Jean-Pierre Misago depuis Kanyenhoko, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Poursuivons avec cette édition. Certains habitants de la capitale économique Bujumbura déplorent l'incarcération de 5 médecins emprisonnés au service national de renseignement. Ils disent craindre que cette situation peut créer des mécontentements entre médecins et que cela peut impacter négativement la qualité d'accueil et des soins des patients. Ils réclament la libération de ces médecins. Suivez ce micro-baladeur. C'est une mauvaise nouvelle pour nous. Premièrement, ces personnes étaient en train de plaider pour elles-mêmes. Je ne pense pas qu'une personne ne puisse être emprisonnée parce qu'elle a plaidé pour que son salaire soit rehaussé. En tant que citoyen, je déplore cela car ces médecins ont une grande importance pour nous. Ils soignent les gens et font également autre chose. Je me suis rendu dernièrement auprès de certains hôpitaux et certains médecins accueillaient mal les malades. Je pense que la situation va s'empirer. Ces médecins vont se lasser, même leurs confrères vont avoir peur et quitter le pays. La vie devient de plus en plus chère. Qu'ils envisagent de les rétablir dans leurs droits et qu'ils les relâchent. Un médecin est important pour n'importe quelle personne. Pour moi, un médecin doit être bien considéré. Si nous ne soignons pas, rien ne va plus. J'ai peur que la situation s'empire si on commence à les traiter ainsi. Ce sera une perte pour le pays si ces médecins s'exilent. On ne va plus avoir de médecins qualifiés. Ce que je demande, c'est que le gouvernement les rétablisse dans leurs droits. Et s'ils n'arrivent pas à le faire, qu'ils les relâchent au moins. Et le syndicat national du personnel de la santé affirme que les médecins incarcérés au service national de renseignement sont victimes des messages qui auraient fuité des groupes WhatsApp. Propos du docteur Vincent Ndaï Ziguié, président du dit syndicat, lors d'une conférence de presse de ce lundi. Il demande au gouvernement de prendre en main cette question et au personnel de la santé de réclamer leurs droits sans pour autant entraver ceux des autres. Page santé de cette édition, le 10 février de chaque année, le monde célèbre la journée contre l'épilepsie. Jeanne Floride Nyonguru, psychologue au Centre Action pour la promotion de lutte contre l'épilepsie, indique que c'est une maladie qui existe et qui peut être soignée. Cette maladie n'est pas diabolique comme certains le pensent. Et il précise que ce centre a déjà reçu près de 800 patients par an et 99% des cas sont guéris. Jeanne Floride Nyonguru appelle ceux qui présentent des symptômes de l'épilepsie de se faire soigner. On l'écoute. Cette maladie peut être soignée et guérie. Et aussi, les médicaments ils sont disponibles, sont accessibles, mais en tenant compte de la capacité financière de la population, ça dépend. Pour le moment, en tenant compte des cas qui se présentent ici à l'action pour la promotion de lutte contre l'épilepsie APLE, jusqu'en avril 2024, les adultes masculins sont venus ici. Il s'agit de 1770 cas et les adultes féminin, c'est 1436. Et en tenant compte des enfants de moins de 5 ans, nous avons reçu des enfants de sexe masculin de 2082 cas. Et les enfants de sexe féminin de 1835 cas. En tenant compte de ces chiffres que nous avons reçus d'ici 2016 jusqu'en avril 2024, nous venons de constater que les cas de sexe masculin se sont présentés ici dans le centre. Mais ce n'est pas à dire que ce sont les personnes de sexe masculin qui sont affectées par cette maladie seulement. C'est toutes les personnes de tout genre, de tout sexe, de toute catégorie. Je lance un appel à la population burundaise, même non pas à la population burundaise seulement, puisqu'ici nous recevons aussi la population des autres pays, le Congo, la Tanzanie, la Zambie. Je lance cet appel à toute la population que la maladie de l'épilepsie est soignée et guérie. Qu'ils ne continuent pas à penser que c'est une maladie qui doit être soignée chez les guérisseurs ou bien pour les prières, mais que c'est une maladie comme tant d'autres, c'est une maladie qui est soignée et guérie avec les examens et aussi les médicaments. Parlons agriculture à présent. Les cultivateurs de Provence Bouvanza se lamentent qui sont appelés à payer la solde pour l'engrais chimique de la saison culturelle B, alors qu'il y en a qui n'ont pas encore reçu les fertilisants de type urée commandés pendant la première saison culturelle. À la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Bouvanza, l'on explique que le message est clair dans le communiqué lancé par le ministère de ce ministère la semaine passée. Ceux qui ne sont pas encore servis vont remettre les reçus aux distributeurs et ils recevront cet engrais aussitôt qui sera disponible selon le communiqué du ministère de l'Agriculture, une information que nous devons à notre correspondante en Provence, Bouvanza, Spes Caritas Kabanyana. Et les leaders des églises chrétiennes du Burundi appellent les Burundais à rester unis dans leur diversité face à la crise que connaît l'Est de la République démocratique du Congo. Dans une rencontre ce lundi, sanctionnée par un communiqué, ces leaders demandent aux organisations régionales de suivre les initiatives en cours pour trouver une solution durable à cette crise. Suivez plutôt Bishop Jean Bosco Nzisabira qui a lu ce communiqué. Non, leaders des églises chrétiennes au Burundi, qui sommes réunis en date du 10 février 2025 à Bujumbura dans le but d'échanger de façon fraternelle sur la situation dans la région des Grands Lacs avec plus d'attention sur la République démocratique du Congo. En nous référant aux saintes écritures que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu 5, verset 9, qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Car ils seront appelés fils de Dieu. Considérant donc cette situation, nous saisissons cette opportunité pour nous exprimer sur ce qui suit. Toute la région, nous demandons avec une très grande insistance le cessez-le-feu immédiat afin de privilégier la voie du dialogue entre les protagonistes en lieu et place du langage du canon. Nous demandons à toutes les organisations régionales, l'Union africaine et les organisations internationales de poursuivre les initiatives en cours dans la perspective de trouver une solution durable au conflit en République démocratique du Congo et ainsi arriver à une paix durable dans la région des Grands Lacs. Enfin, exhorte la population burundaise de rester unie, vigilante et garder la retenue face à cette situation et aux rumeurs et surtout de ne pas se fier aux fausses informations. Radio Isanganiro, chronique sport. Le match de volleyball est arbitré par 7 arbitres, dont l'arbitre central et 4 juges de ligne. Pascal Yerahunze, président de la commission chargée de l'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de volleyball, fait savoir que lorsqu'un juge de ligne confirme une faute ayant suscité des confusions, c'est l'arbitre central qui a le droit de prendre une décision finale. La chronique sportive avec Jean-Marie Vianney, Ngendakoumane. L'arbitrage de volleyball est fait par 7 personnes, à savoir le premier arbitre, le second ainsi que 4 juges de ligne et le marqueur. Ezekiel Yarankunze, président de la commission chargée d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de volleyball, fait savoir que lors des compétitions internationales, son nombre est plus élevé du fait qu'on utilise la nouvelle technologie appelée Video Challenge en anglais. Le match de volleyball doit être officié par 7 arbitres. Il y a le premier arbitre, le second arbitre, et il y a aussi les 4 juges de ligne, il y a aussi le marqueur, mais ça peut arriver, il y a aussi le marqueur assistant. Ce sont les 7-8 arbitres qui vont officier le match de volleyball. Mais pour les compétitions nationales, régionales ou internationales, on peut utiliser plus de 8 arbitres parce qu'on utilise ce qu'on appelle les vidéo challenge, comme on utilise souvent au football, la VAR. vidéo assistance Lefali. Au volleyball aussi, on utilise le vidéo challenge. Si on utilise le vidéo challenge, vous connaissez que on n'utilise pas les 8 arbitres, mais on utilise 12 arbitres ou 14. Le président de la commission chargée d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de volleyball indique que l'arbitrage de volleyball se base sur les règles de la Fédération internationale de volleyball qui sont modifiées tous les 3 ans. Normalement, et d'une façon générale, l'arbitrage au volleyball se base sur les règles officielles de la Fédération internationale de volleyball. Et il y a les règles de la Fédération internationale de volleyball 2024-2027. À chaque 3 ans, on actualise les règles officielles et jusqu'à maintenant, nous avons des règles officielles actualisées pour les arbitres de volleyball indoor et pour les arbitres de beach volleyball. Le volleyball se subdivise en deux parties. Il y a le volleyball indoor et le beach volleyball. Et l'arbitrage aussi se subdivise en deux parties. Il y a l'arbitrage de beach volley et il y a aussi l'arbitrage de volleyball indoor pour les deux disciplines de volleyball, beach volley et volleyball indoor. Selon toujours Ezekiel Yarankunze, lors des matchs, quand un joueur commet une faute qui nécessite un carton rouge, il n'est pas disqualifié comme c'est le cas pour le football, mais dans ce cas, l'équipe adverse reçoit un point. S'il y a des sanctions, ça peut arriver qu'il y a un carton rouge qui occasionne un point pour l'équipe adverse. C'est pas comme le football. Il y a aussi ce qu'on appelle la disqualification. On donne le carton rouge et le carton jaune séparément. C'est pas comme le football, parce que si on donne le carton rouge au football, le joueur est exclu au terrain, mais au volleyball c'est pas comme ça. Si on donne le carton rouge, c'est le point et le service accordé pour l'équipe adverse. Au volleyball aussi, on peut exclure un joueur. C'est la disqualification qui compte. C'est le carton rouge et le carton jaune donné séparément. Il ajoute que la collaboration entre les arbitres se fait par des gestes officiels réglementés par la Fédération internationale de volleyball. La collaboration entre les arbitres qui officient un match de volleyball se fait par les gestes officiels. Il y a des gestes officiels réglementés par la Fédération internationale de volleyball. Si on utilise tel geste, ton partenaire, ton collègue, c'est ce que le premier arbitre veut dire, qu'il y a la barre touchée, le ballon est dehors du terrain, le joueur est touché le filet. Tout ça, il y a des gestes officiels que les arbitres doivent utiliser pour communiquer entre eux et pour donner le message aux joueurs et à tout acteur du volleyball en général. Un match de volleyball se gagne par 3-7, mais lors de l'égalisation, les équipes s'affrontent par un set de séparation appelé Séoul. Ainsi se referme cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana qui a assuré la mise en œuvre de très bonnes suites de nos programmes.